Le camp se tient loin de l'attente. La honte a brisé la proximité. Mais Moïse cherche encore sa face, comme on cherche la vie après l'obscurité. Tu promets un ange pour le chemin, mais Moïse ose demander plus, car sans ta présence gagner sans toi, mais mourir en dedans. Si ta présence ne vient pas avec nous, ne nous fais pas monter plus loin, car sans ton visage sur la promesse perd son chemin. Si ta présence ne vient pas avec nous, rien n'a de véritable valeur, car la terre promise sans ton souffle serait encore un sans ton souffle serait encore un désert.